Pour tous vos travaux de construction et de rénovation, faites appel aux professionnels compétents qualifiés Calibat. Les 56 000 artisans et entreprises Calibat ont été évalués et distingués par des professionnels du secteur et vous garantissent des travaux de qualité pour tout type de travaux. Menuiserie, maçonnerie, isolation, couverture, façade, étanchéité, chauffage, énergie renouvelable, il y a forcément un professionnel Calibat près de chez vous. Pour des travaux en toute confiance, exigez le certificat de qualification Calibat. Rendez-vous sur calibat.com. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire qui mêle satanisme, jalousie, incendie, suicide et meurtre sur fond de black metal. Le black metal, c'est l'excroissance la plus extrême de la grande famille du heavy metal. Aussi bien en termes d'attitude que de musique, c'est le sous-genre qui va le plus loin, et plus loin que les autres, trop loin même. Entre 1991 et 1994, dans ce pays pourtant bien tranquille qu'est la Norvège, une poignée d'activistes décident de révolutionner le black metal. Et comme toute révolution, celle-ci se fait avec des armes et dans le sang. Sur scène, on exhibe des cadavres d'animaux. En coulisses, on tue et on met le feu. La violence n'est plus alors seulement un sujet de chanson, mais une réalité nourrie par une idéologie douteuse et une rivalité artistique malsaine. Au moment où nous parlons, 30 ans après ces événements extra-musicaux, le black metal est un genre respecté, certes, mais sa naissance a été tourmentée, et plus encore. Notre invité aujourd'hui est le journaliste spécialiste du métal, Olivier Badin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Olivier Badin, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 17 octobre 2013, Palais de Justice de Paris. Au milieu des allées et venues des avocats et des policiers, un homme au physique tout ce qu'il y a de plus banal apparaît. Vêtu d'un simple sweatshirt marron kaki, hirsute, cheveux poivre et sel mais rares, il semble d'abord discret. Mais difficile de le rester lorsque vous êtes poursuivi par une horde de caméras et une poignée de personnes qui se sont déplacées pour vous soutenir. Cet homme s'appelle Vorg Vikernes. Il a 41 ans, c'est un habitué des tribunaux. Deux mois auparavant, en effet, ce Norvégien installé en France depuis 3 ans a été arrêté dans sa ferme de Salon-la-Tour, en Corrèze, où il séjourne avec sa femme, française, et leurs 3 enfants. Et les accusations fusent. Terroriste, néo-nazi, ou encore sympathisant d'Anders Breivik, cet extrémiste nationaliste qui vient de tuer 77 personnes sur l'île d'Utøya, en Norvège. Un tueur de masse, auteur d'un manifeste délirant de 1500 pages, envoyé à plusieurs personnes influentes avant la tuerie, dont apparemment à Vikernes. Lors d'une perquisition dans la ferme en Corrèze, 5 armes sont saisies, dont 4 fusils. Pour le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, c'est bien la preuve qu'un projet terroriste était possible. Une ferme perdue dans la nature au cœur de la Corrèze, 4 véhicules tout-terrain, carrosserie camouflage sont garés dans le jardin. C'est ici que vivent le Norvégien Christian Vikernes, 40 ans, et son épouse française Marie Cachet, 25 ans, ainsi que leurs 3 enfants. Le couple a été interpellé cette nuit et placé depuis en garde à vue ici au commissariat de Brive-la-Gaillarde. C'est la DCRI, les services de renseignement français qui les auditionnent. Dans le hameau, leur arrestation a provoqué la stupeur. En Norvège, celui qui se fait appeler Varg est connu pour ses positions extrêmes. En 1993, il est condamné à 21 ans de prison pour le meurtre d'un de ses amis, musicien comme lui de black metal. Au final, c'est pour provocation à la haine et apologie de crime que Vikernes, ou Vikernes, comparaît devant un juge. Il en ressort, condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 8000 euros. Mais ce n'est pas une première, non. Ce type-là est un habitué des tribunaux, on l'a dit, sauf que pour la première fois, c'était pour une affaire beaucoup plus grave. Presque 20 ans avant, c'est pour incendie volontaire et surtout meurtre que Vikernes est condamné. Si à l'époque, il a déjà commencé sa dérive identitaire, il est surtout connu comme musicien. Et pas de n'importe quelle musique, non. La plus dure, la plus impitoyable, la forme la plus extrême qui soit dans la culture métal, le black metal. Sous-genre de la scène heavy metal, le Black débarque avec fracas le 1er décembre 1981 avec la sortie de Welcome to Hell, autrement dit Bienvenue en Enfer, le premier album du groupe anglais Venom. Originaire de Newcastle, ces trois musiciens savent qu'ils sont de piètres techniciens. Mais fin stratège à un brin cynique, ils décident de pallier leurs défauts en jouant plus vite, plus fort et surtout de faire monter d'un cran la provocation. Le satanisme et les forces occultes font peur, tant mieux, ça fait vendre. Le trio invente donc son propre sous-genre musical, le métal noir. Et tant pis si tout cet attirail n'est qu'une façade sans réelle conviction derrière, c'est ça aussi le rock'n'roll après tout. Et l'Angleterre de Margaret Thatcher a bien besoin d'un croque-mitaine. Alors très vite, la popularité du groupe dépasse ses frontières et touche la Scandinavie et notamment la Norvège. Grand comme les deux tiers du territoire français, ce pays, la Norvège, compte 12 fois moins d'habitants. Mais c'est désormais, aujourd'hui, l'un des pays européens les plus riches grâce à la découverte de gisements de pétrole. Au milieu des années 80, il prospère. Son mode de vie, assez conservateur. La religion et la famille ont une place prépondérante. Bref, une petite vie bien rangée, bien propre, où chacun doit rester à sa place et rentrer dans le rang, ce qui en fait le terreau parfait pour une musique prônant la rébellion. Justement, Øystein Aarseth fait partie de l'une de ces milliers de familles de la classe moyenne habitant au sud d'Oslo. Petit pavillon de banlieue, quartier tranquille, parents sans histoire, sa vie semble toute tracée. Sauf qu'il est fou de musique, et particulièrement de Venom. Il a même monté en 84 son propre groupe pour suivre ses modèles, Mayhem, Désordre en anglais. Comme eux, il s'est même choisi un pseudonyme sonnant comme un nom de guerre, Euronymous, du nom d'un démon d'enfer dans la mythologie grecque. Son look est au diapason, en plus d'une ceinture à balles et d'un perfecto noir, il utilise un type de maquillage appelé corpse paints, soit peinture de cadavre en français. Fond de teint blanc blafard, yeux cernés de noir dégoulinant. Un artefact morbide, tout pour évoquer la pâleur d'un cadavre. Et tant pis si musicalement tout cela reste un peu indigent et même très maladroit, seul compte l'attitude de la passion et surtout, aller plus loin. Pour le coup, on n'avait plus besoin d'être géniaux musicalement ou de se distinguer forcément. Bien qu'on voit quand même que sur la durée, le talent compte aussi, quand même. Et c'était une musique d'attitude. En fait, même s'il y a vraiment plein de différences, on pourrait le comparer au punk. Le punk, à l'époque, il ne s'agissait pas d'être bon techniquement. Au contraire, il fallait renverser ses clichés et être... il fallait casser des bouteilles de bière sur la tête des gens. Il fallait que les gens nous craignent sans vraiment savoir ce qu'on faisait, sans le comprendre en tout cas. Le comprendre, c'était entre nous. On voulait se démarquer, pas par notre talent, pas par notre musique. Si ça se fait, tant mieux. Par notre attitude. On voulait adopter un mode de vie à part entière. On voulait être une révolution, tu vois. Même si j'aime pas le terme parce que c'est populiste. Une sorte de révolution. Une maladie, une gangrène dans la société. C'est ça qu'on voulait être. Voici le black metal résumé ici par le chanteur de l'un des premiers groupes de black metal français qui répond au nom très avenant de Mutilation. L'un des prophètes du genre se nomme Peléolin. Son nom de scène, Dead, mort en anglais. Son destin tragique et révélateur de l'influence toxique d'Euronymous. Originaire de Stockholm en Suède, Dead est un adolescent introverti et artiste, ce qui est peu courant, mais pas forcément contradictoire. Après avoir été tabassé par une bande, il est déclaré cliniquement mort pendant quelques minutes. Depuis, il développe une fascination pour le dernier voyage. En 88, il devient le nouveau chanteur de Mayhem, après avoir envoyé par la poste une souris au corps putréfié, crucifié sur deux bouts de bois, histoire de montrer sa motivation. Au bout du compte, après les presque 3 ans passés, Mayhem, il ne laisse derrière lui qu'un maigre héritage, ce groupe. 2 morceaux enregistrés dans un petit studio et seulement 6 concerts, dont 3 en Allemagne et 1, étonnamment, en Turquie. Mais des concerts légendaires. Sur scène, des têtes de cochons sont empalées sur des pics. Dead porte des vêtements qu'il a volontairement enterrés pendant plusieurs jours dans la terre afin qu'il commence à se décomposer. Il garde près de lui un sac en papier contenant un cadavre d'oiseau dont il hume entre les morceaux l'odeur pestilentielle pour, selon lui, rester dans le bon esprit avant de se sacrifier pour mieux projeter son sang sur le public. When it's cold. when it's dark, the freezing moon can obsess you. Jamais diagnostiqué, mais probablement maniaco-dépressif, Dead devient de plus en plus mystique et de plus en plus obsédé par la vie après la mort. Plutôt que de le retenir, Euronymous l'encourage à poursuivre son obsession. Et tant pis pour sa santé physique et morale. Dead se suicide le 8 avril 91, mort pour de bon cette fois. Alors que tous les autres rendent visite à leur famille pour le week-end de Pâques, il se tranche les poignets avant d'empoigner un fusil de chasse et de se tirer une balle dans la tête. Il laisse derrière lui une courte lettre pour expliquer son geste. La dernière phrase, pardon pour tout ce sang. Euronymous découvre son corps. Mais plutôt qu'appeler les secours, il récupère des morceaux de son crâne éparpillés dans toute la pièce et prend photo le cadavre de son ami dont la cervelle s'est répandue sur le sol. Les morceaux de crâne sont ensuite envoyés à quelques amis musiciens de black metal triés sur le volet en guise de cadeau. La photo, elle, est également et largement distribuée à ses contacts. Elle finit même sur la pochette d'un disque pirate, témoignage à peine audible de l'un des rares shows de Mayhem donné avec Dead au chant. Euronymous va ensuite jusqu'à laisser courir une rumeur, affirmant qu'il aurait cuisiné des morceaux de sa cervelle pour en faire un ragoût et le manger. Bon, un pur mensonge. Mais comme le dit l'adage, lorsque la légende est plus belle que la réalité, eh bien, on imprime la légende. Bergen, deuxième ville de Norvège. Dans un studio local, Mayhem est venu enregistrer son très attendu premier album, intitulé « Des mystéristes Dom Satanas », autrement dit « Les rites secrets de Satan » en latin. Pour le réaliser, Euronymous a dû reformater son groupe. À la basse, on retrouve désormais Borg Vikernes. Originaire de Bergen, lui aussi joue du black metal. À l'origine, son prénom c'est Christian, mais il l'a changé légalement pour Varg, autrement dit loup en norvégien. Il n'a que 21 ans, mais bien éduqué, élevé par sa mère, le jeune homme est déjà très sûr de lui. Il fait souvent l'aller-retour entre Bergen et Oslo et fréquente de façon assidue le magasin de disques qu'Euronymous a ouvert dans le centre-ville. Le lieu se nomme LVT, Enfer, en norvégien. Ce n'est pas très grand. Les murs ont été repeints en noir et sont recouverts de disques, mais aussi d'armes médiévales. C'est le lieu de rencontre de la poignée de jeunes musiciens gravitant tous alors dans la petite scène et sur cette petite scène black metal naissante. Euronymous en est l'élément central indéniable. Et Varg fait d'abord tout son possible pour s'en rapprocher. Ça tombe bien. Vikernes a son propre groupe de black metal, même si ce n'est pas exactement un groupe, vu qu'il y joue tous les instruments. En tout cas, le projet s'appelle Burzum, ténèbres, dans la langue noire inventée par l'anglais J.R. Tolkien, Vikernes étant alors un grand fan de l'auteur du Seigneur des Anneaux. La musique de Burzum est portée par un souffle à la fois épique et mélancolique. Pas de pentagramme ni de paroles sataniques ici, mais une sorte d'ode au retour à la nature et à des temps ancestraux. Mais surtout, le tout est porté par la voix démoniaque de Vikernes, un hurlement à vous glacer le sang. De 5 ans, son aîné, Euronymous est d'abord flatté de voir ce jeune musicien chercher constamment son assentiment. S'engage alors une relation d'abord de confiance, mais qui va rapidement devenir de plus en plus toxique et meurtrière. Mais à l'été 91, Vikernes fait désormais partie du premier cercle des amis d'Euronymous. Honneur suprême, il est même autorisé à se rendre à plusieurs réunions du Black Circle qui se tiennent dans le sous-sol du magasin LVT. Le Black Circle, le cercle noir. Euronymous se vante d'être à la tête de cette soi-disant organisation sataniste aux membres secrets. Une organisation prévoyant de répandre la peur et l'effroi parmi les chrétiens par tous les moyens possibles. Et tant pis, là encore, si personne ne peut vraiment certifier avoir été témoin de leurs actions. En fait, ce cercle se résume à une bande de copains réunis autour de la même musique. Au cours de beuveries sans fin, dans le sous-sol d'LVT, ils échafaudent des thèses fumeuses, jamais suivies des faits. Un mirage assez symbolique de la vie de Ronimus. Trop occupé à construire sa légende, c'est un mauvais gestionnaire et il a du mal à joindre les deux bouts. Incapable de se payer un appartement, il dort dans son magasin, dans des conditions spartiates, sur un matelas derrière le comptoir. Son colocataire et employé à mi-temps du magasin est le jeune batteur du groupe de black metal, Emperor, Bord Eitun, surnommé Faust. Il n'a que 18 ans, genre taciturne, mais lui aussi est sur le point de jouer un rôle dans l'escalade de la violence. Worship, all performed in the name of black metal in Norway. Le 6 juin 1992, au petit matin, les habitants de la petite ville de Stavanger, dans le sud-ouest de la Norvège, découvrent, horrifiés, les restes fumants de l'église de Fantoft. Ce bâtiment religieux historique fait partie des 28 stavkirker des églises, construites en bois typique de la Norvège et parfois vieilles de près de 10 siècles. Fantoff, construite à l'origine en 1150, n'est plus qu'un tas de cendres. Elle a été détruite par un feu démarré le sixième jour du sixième mois à 6h du matin. Vous avez bien entendu, 666, soit 666, le chiffre du diable. Un détail évidemment qui ne passe pas inaperçu. Første gang jeg hørte om Fantoff-brand, det var da jeg kom hjem fra ferie i Portugal. J'ai entendu parler de l'incendie alors que je rentrais de vacances du Portugal. J'ai alors lu dans le journal que ma vieille église n'existait plus. J'ai alors parlé aux autorités et à mes collègues de la section police-justice ayant déjà travaillé sur le sujet. J'ai demandé ce qu'était devenue la pierre verte que l'on trouvait à l'entrée de l'église, connue comme une sorte d'artefact. C'était une chose qui avait de l'importance lorsqu'on était enfant. La légende disait que si tu la touchais et faisais trois vœux, il se réalisait. J'ai donc demandé ce qu'elle était devenue. La police m'a répondu : c'est drôle que tu évoques cela, car c'est l'une des choses les plus bizarres à propos de cet incendie. Nous n'avons pas retrouvé cette pierre, mais quelque chose de très étrange à la place. Le cadavre d'un animal. Ils ne m'ont pas précisé lequel, mais j'ai tout de suite pensé à une sorte de sacrifice. J'ai donc commencé à écrire une série d'articles sur ce sujet, en soulevant la question que tout le monde se posait. Était-ce des satanistes, ou équivalents, qui étaient responsables de cette attaque? Entre le mois d'août et le mois de décembre 1992, 5 autres églises sont incendiées. Et c'est la panique. Les médias s'affolent et des milices se constituent à droite et à gauche pour protéger les lieux de culte. La police commence à s'intéresser de plus en plus à cette bande de jeunes musiciens aux déclarations tapageuses sur la scène underground. Pendant ce temps, Vaughn Wickens est fatigué de jouer le second. Il veut à son tour devenir celui que l'on regarde et celui que l'on admire. Ses relations se détériorent avec son mentor. Même politiquement, ils ne s'entendent plus. Si Hieronymus admet ouvertement son intérêt pour les régimes communistes en général et celui de la RDA en particulier, allant jusqu'à afficher un poster d'Erich Honecker dans son bureau, Wickens lui tient des propos de plus en plus réactionnaires. Et c'est l'époque où la réputation de la scène black metal norvégienne ne cesse de grandir. Et la rumeur autour de l'implication de certains de ses acteurs dans les incendies d'église ne fait qu'amplifier le phénomène. C'est à ce moment-là que Wickens décide de jeter de l'huile sur le feu. Ainsi, en mars 1993, il sort un mini-album de Burzum. Son titre, Aska, cendre en norvégien. En guise de pochette, une photo des restes calcinés de l'église de Fantoff. Un briquet même inclus en cadeau avec la première édition. De la simple provocation? Pas seulement. Même s'il n'a jamais été officiellement condamné, Wickens est alors fortement soupçonné d'être le responsable de cet incendie criminel. Mais plutôt que de faire profil bas, il choisit la surenchère. Le 20 janvier, il fait la couverture du plus gros quotidien de la région de Bergen. Il refuse d'y dévoiler son nom, mais répond à une interview choc où il se vante de savoir qui est derrière tous ces incendies. Il prend même une pose guerrière pour le photographe, cachant son visage derrière ses cheveux longs, tout en tenant deux longs couteaux acérés. Effet garanti. Piqué au vif, car incapable de mettre la main sur les incendiaires présumés, la police norvégienne arrête. Au même moment, le magasin LVT est montré du doigt. Déjà en difficulté financière, Hieronymus ferme ses portes pour de bon, excédé par toute cette attention. Et il a un autre grand projet, sortir enfin le mystérieux Dom Satanas de Mayhem qui, il en est sûr, marquera l'histoire du genre. Il en a d'ailleurs déjà choisi la pochette. La représentation monochrome et sinistre de la célèbre cathédrale Nidaros de Trondheim, dans le nord du pays. Mais il n'a plus un sou, et donc pas de quoi financer sa sortie. Pire, après avoir monté son petit label, sur lequel il a signé quelques artistes de black metal, dont Burzum, il est aujourd'hui incapable de payer leurs droits d'auteur. Et plus le cirque médiatique autour des incendies d'église et de cette pseudo-mafia sataniste enfle, plus les groupes de black metal commencent à apparaître à droite et à gauche en se réclamant ouvertement de Mayhem. Les égos enflent, et avec eux la frustration et la jalousie, cocktail de passion triste. Le 27 mars 1993, à l'époque, le plus populaire magazine anglais de métal au monde, Kerrang, fait sa couverture sur le black metal. Un article racoleur de 5 pages à la titrale sans équivoque. Incendie criminel, mort, rituel satanique. En plus d'une rapide présentation et d'un rappel des faits sur les vagues d'incendie d'église, Wickens et Hieronymus y sont tous les deux interviewés. Les deux prétendent être à la tête du fameux Black Circle, soi-disant financé par les ventes de disques et appelé à faire régner la terreur. Pure fanfaronnade, bien sûr, mais l'opération de com' marche à merveille. Sauf qu'au bout du compte, c'est une nouvelle fois Wickens qui se retrouve en photo sur la couverture, pas son collègue de Mayhem. Ce qui ne fait qu'accentuer leur rivalité. Les deux hommes ne se parlent plus, s'insultent et s'enverraient même des soi-disant menaces de mort par courrier interposées. Ce qui est limite normal dans un milieu où les déclarations provocantes font partie du jeu. Donc, personne ne voit le drame arriver. L'homme trouvé mort ce matin s'appelle Eystein Orset, une personnalité réputée du milieu satanique norvégien. Orset gérait un magasin de disques sataniques nommé Helvete à Oslo. Le 11 août 1993, à 5h du matin, dans l'immeuble où il a emménagé depuis peu, le corps mutilé de Ronnius est découvert à 5h du matin par un voisin. 23 coups de couteau, dont deux à la tête. La police avait déjà mis sous surveillance la scène black metal depuis les incendies d'église. Elle décide maintenant d'y effectuer un gros coup de filet. Tous ses membres sont convoqués au commissariat, questionnés pendant des heures et des heures, pressés de donner des noms, des dates, des indices. Et l'un d'entre eux finit par craquer et lâche tout aux enquêteurs. Oui, la nuit du crime, il a accompagné Vorg Vikernes et il a fait avec lui le trajet de 500 km qui sépare Bergen d'Oslo en voiture. Oui, il confirme que pendant ce temps, un autre complice est resté dans l'appartement de Vikernes, à Bergen, louant un film avec la carte bleue de ce dernier pour lui fournir un alibi. Oui, il confirme qu'une fois arrivé à Oslo, vers 3h du matin, Vikernes lui demande de l'attendre dans la voiture pendant qu'il monte dans l'appartement de Ronnius. Et lorsqu'il revient, ses vêtements sont pleins de sang. Alors que la police enregistre cet aveu, les empreintes de Vikernes sont découvertes sur les lieux du crime. Le leader du Burzum est arrêté le 19 août 93. Devant l'évidence, il ne nie même pas les faits. Mais il affirme que son geste est de la pure légitime défense, Ronnius l'ayant menacé de le torturer à mort devant une caméra pour en faire un snuff movie. Son appartement est fouillé et la police y trouve plus de 3000 cartouches et 150 kilos d'explosifs. Ce coup de filet permet également de résoudre un autre meurtre en suspens depuis un an. Le 21 août 92, à Lillehammer, future résidence des Jeux Olympiques d'hiver, le corps sans vie de Manny Andreasson est retrouvé dans un parc de la ville tué de plusieurs coups de couteau. Un acte sauvage et gratuit qui n'a laissé aucun indice ni motif. Mais interrogé dans le cadre de la mort de Ronnius, son ex-colocataire et employé Faust craque à son tour et il avoue. Le meurtrier d'Andreasson, c'est lui. Et lui non plus n'exprime aucun remords, ni offre d'explication. Fasciné par les tueurs en série, il se contente de dire qu'il voulait voir ce que cela faisait de tuer quelqu'un après avoir été sollicité par Andreasson. Avant son arrestation, deux personnes seulement avaient été mises dans la confidence, Vorg, Vikernes et Ronnius. J'ai été condamné à 14 ans de prison pour un meurtre au premier degré et pour l'incendie d'une église en 1992. Et j'ai reconnu l'accusation complète devant le tribunal parce que les preuves contre moi étaient pour le moins accablantes. Et j'ai tué un homosexuel à Lillehammer en le poignardant à mort 37 fois avec un couteau plutôt petit, ce qui fait qu'il est mort d'une hémorragie. Par conséquent, aucun des coups n'était mortel en soi. Je me souviens de certaines parties, ou plutôt je me souviens de tout, mais certaines choses sont un peu floues, un peu vagues. Mon adrénaline travaillait à plein temps et la rage était quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant, ni plus tard d'ailleurs. J'ai dit dans des interviews précédentes que l'acte en lui-même m'a donné cette impression d'être comme à l'extérieur de moi-même, comme si je regardais quelqu'un d'autre poignarder cette personne. Vorg Vikernes, né le 2 novembre 1973, est reconnu coupable et purgera une peine de 21 ans de prison. Vikernes est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, de détention d'explosifs et de l'incendie volontaire de trois églises à Oslo et Bergen. Le 16 mai 1994, au bout de 3 semaines de procès, Vikernes, ou Vikernes, écope de la peine maximale autorisée par le code pénal norvégien. 3 semaines éprouvantes, où la presse fait de ce fait divers ses choux gras. Il faut dire que le personnage fascine. Bien qu'âgé de seulement 20 ans, il est plein d'insolence et très sûr de lui. Habillé de noir, les cheveux longs, lâchés, il alterne attitude charmeuse, provocation gratuite et jubilation, alors que des jeunes femmes, portant fièrement des t-shirts Burzum, assistent quotidiennement aux audiences et crient son nom. Procès donc très médiatisé, les caméras des journalistes sont autorisées à filmer les débats. Lorsque la sentence tombe, elles scrutent le visage du condamné. Rien, non, aucune émotion, si ce n'est un petit sourire narquois, regardant droit dans les yeux l'objectif avant de quitter le tribunal sous bonne escorte. Restait-il aujourd'hui du black metal ? C'est désormais un genre musical respecté, avec des groupes aux quatre coins du monde. En Norvège, la cave qui servait de lieu de réunion au soi-disant Black Circle se visite aujourd'hui comme un musée. Le premier album de Mayhem, donc de Mysteries Don Satanas, est désormais perçu comme un trésor national en Norvège. Un disque presque possédé par des forces venues d'ailleurs, à l'atmosphère sépulcrale. Un disque véritablement hanté, dans tous les sens du terme. Deux de ses créateurs sont morts avant sa sortie, et le meurtrier de l'un d'entre eux joue dessus. Et tant pis, une nouvelle fois, pour la famille d'Orodius, qui a demandé en vain que les parties de basse enregistrées par Vikernes soient effacées. La tombe discrète du guitariste, enterré à Chy, au sud d'Oslo, il a grandi, est devenue, elle, une sorte de lieu de pèlerinage. En 2009, après 16 ans de prison, son meurtrier est libéré. Depuis 2010, il vit en France avec sa femme et ses enfants. Il a pris le nom de famille de son épouse et s'est renommé Louis Cachet, histoire de se faire plus discret. Il vit à l'écart de la société en autarcie totale, se préparant à l'effondrement de notre civilisation auquel il croit dur comme fer. Pendant un temps, il a tenu un journal vidéo sur YouTube. Mais il a fini par en être banni à cause de propos tendancieux, tiens donc. Depuis, il noircit via son blog des pages et des pages sur sa vision du monde, son envie d'un retour aux valeurs ancestrales et son rejet d'une société cosmopolite. Il a surtout arrêté de faire de la musique et il rejette désormais toute appartenance à la scène métal. Pourtant, il reste l'un des acteurs de premier plan de cette période clé. Courte période où l'art s'est confondu avec la vie avant de basculer dans la violence et le meurtre. Le tout au nom d'une idéologie dont chacun semble avoir sa définition bien à lui, laissant hélas la musique loin derrière. La postérité, elle, retient le poignet de disques révérés aujourd'hui par les fans comme des reliques. Ces événements fascinent toujours autant et génèrent encore aujourd'hui documentaires, livres et même une œuvre de fiction en 2019. Mais pour voir tous ses vœux de gloire exaucés, le personnage de Faust n'avait-il pas, selon Goethe, vendu son âme au diable ? Thank you. France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du black metal, l'excroissance la plus extrême de la grande famille du heavy metal, dont vous êtes un spécialiste, Olivier Badin. Bonjour. Bonjour. Et merci pour l'enquête qui a permis ce récit, et pour le récit. Alors, j'ai une question un peu personnelle à vous poser, mais qui doit faire écho, je pense, aux oreilles de beaucoup de monde. Qu'ont donc ces gens qui nous font cette culture-là à ne pas aimer la mélodie ? C'est un peu provocateur, j'avoue. C'est tout à fait provocateur. C'est une bonne question. Alors, il peut y avoir, dans le black metal, il peut y avoir de la mélodie. Là, on parle des débuts, une époque où tout devait être façonné, tout devait être fait. Et l'intention était, première, était avant tout de repousser le plus loin les limites de ce qui était acceptable, les limites de la dissonance. Il y avait volontairement, c'est une musique qui s'est construite en contre-réaction à ce qui se faisait. Mais une fois que la musique s'est installée, on peut trouver, aujourd'hui nous avons des groupes de black metal qui enregistrent des disques avec des orchestres symphoniques, avec des chanteuses, avec des ajouts claviers, des ajouts électroniques, et qui ont complètement intégré la mélodie. Mais c'était pas trop le propos des tout premiers artistes non, de black metal. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors finalement, vous avez parlé du heavy metal. Aujourd'hui, c'est bien, il y a une évolution mélodique. C'est important de le souligner, évidemment. Alors, vous nous avez expliqué que le black metal est né en Angleterre au tout début des années 80, puisque c'est la troisième émission qu'on fait avec vous. Hein. Mm-hmm. Donc, né en Angleterre au tout début des années 80. Et est-ce que cette musique-là portait déjà en elle les germes de cette violence qu'on vient de raconter aujourd'hui ? Bon, on va dire que c'est une question de point de vue, mais on va dire que pour les géniteurs du black metal, qui sont le groupe Venom, comme on l'a rappelé dans la story, c'est avant tout une histoire d'opportunisme. C'est-à-dire que, au début des années 80, l'Angleterre est secouée par un mouvement musical, un renouveau du heavy metal, dont les chefs de file sont Iron Maiden ou Def Leppard, Saxon, des groupes comme ça. Et Venom arrive là-dedans en se disant, comment on va tirer notre épingle du jeu? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce qu'il y a tous ces groupes qui sortent. Il y a embouteillage déjà. Il y en a déjà embouteillage. Et puis nous, on est franchement à côté d'eux, on est que trois. Et on n'est pas très très bons. Tiens, par contre, ils ont fait un peu le même calcul que Black Sabbath. Alors tout au début, en se disant, les gens payent pour aller voir des films d'horreur, les gens payent pour avoir peur, et ben on va leur offrir ça, mais version métal. Ça a marché tout de suite avec cette idée d'offrir plus que de la musique en quelque sorte. C'est un récit. Ah, complètement. Et qui est assorti de symboles, le satanisme notamment. Oui, bien sûr, et c'était qui est tout un. C'est en fait dans le cas de Venom et des premiers groupes de black metal, c'est tout un apparat. C'est-à-dire, ce n'est pas que les paroles, ce sont les pochettes, ce sont même les poses, les premières photos de Venom. Il pose torse nu, en tenant des épées avec des ceintures en forme de balles. Tout ça pour donner cette. Ils avaient presque des postures de super-héros. Mmh. Et il faut savoir que maintenant, avec Internet, en trois clics, on a accès à tout, à des vidéos, des choses comme ça. En 1981, quand Venom a commencé, les rares sources d'information étaient les 2-3 photos qu'on pouvait voir dans les fanzines et les magazines. Et ces photos, on voyait 3 personnages presque qui n'étaient plus vraiment humains, qui étaient des espèces qui ressemblaient à des démons médiévaux. Et ça, pour un adolescent, ça enflamme tout de suite l'imagination. Est-ce que quelqu'un, parce que ça me traverse l'esprit là, avec les images que vous donnez, comme Alice Cooper était un peu... Bien sûr, il y a le propos. D'ailleurs... Le satanisme, on pourrait dire que le black metal est né avec Venom en 1981, mais en fait, on pourrait dire que la mode du satanisme en elle-même remonte aux années 60. À cette époque-là, il y a eu toute une vague avec notamment les studios anglais de production cinématographique qui étaient la Hammer, qui ont fait toute une série de films un peu de série B avec Christopher Lee, Peter Cushing autour du satanisme qui avait très bien marché à l'époque. Et dès la fin des années 60, il y avait des groupes comme Coven aux États-Unis ou Black Sabbath en Angleterre ou Black Widow qui jouaient sur le côté où, attention, on va vous faire peur. Black Widow, je vous ai parlé, sur scène, recréer sur scène une messe noire. Avec un pseudo-sacrifice. Bon, la musique suivait pas trop, mais ça a quand même fait parler d'eux. Donc finalement, Venom n'a pas tellement, en termes de concept, n'a pas vraiment inventé grand-chose, sauf qu'il l'a adapté à la musique heavy metal. Alors pourquoi ça prend en Norvège, alors dans l'époque début des années 90 qu'on a raconté? Pourquoi la Norvège? Pourquoi ce pays est-il le cadre de cette histoire? Alors pourquoi la Norvège et pourquoi cette époque-là? Il faut savoir qu'il y a toujours, on peut dire, entre guillemets, pour faire un cliché, un peu une escalade de la violence du métal dans la seconde moitié des années 80, avec d'abord le heavy metal, ensuite ce qu'on a appelé le thrash metal, Metallica, Megadeth, Slayer, ensuite le death metal, enfin ça va de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et au début des années 90, on est un peu en panne sèche. On sent que le métal commence un peu à se mordre la queue, à se rouiller, ou en tout cas ne plus savoir trop où aller. Même les groupes de death metal, qui étaient censés être à l'époque la musique la plus extrême, commencent à s'embourgeoiser, entre guillemets. Donc il y a ce besoin de pousser le bouchon encore plus loin. Et la Norvège, c'est un pays un peu oublié de l'Europe. Alors à ce moment-là, au début des années 90, c'est un pays riche, qui vient d'une culture luthérienne. C'est un pays conservateur, c'est un très beau pays, j'ai la chance d'y être allé pas mal de fois, très beau pays, mais c'est un pays où on ne rigole pas trop, hein. Ce sont des gens très sérieux, le travail, la famille, rester fidèle, rester à la maison, aller à l'église le dimanche, tout ça, c'est une société très conservatrice, et donc forcément il y a ce besoin de faire péter les coutures. Et petite considération touristique, si vous allez en Norvège, voyez ces cathédrales en bois. Elles sont vraiment magnifiques et absolument impressionnantes. Qui sont vraiment des reliquats de temps moderne. Et dernière chose pour la Norvège, aussi ce qui est important, il ne faut pas oublier ce cadre géographique, cette nature omniprésente. Somptueuse. Et en même temps, c'est effectivement ces hivers très rudes, avec ces forêts à perte de vue, couverts par la neige, et donc qui poussent en plus à un mode de vie où les gens restent chez soi, ne se mélangent pas trop. Tout ça a contribué. Et puis en plus, la Norvège, avant Internet, c'est loin de tout, c'est loin de tout le monde. Oslo, c'est la capitale, mais même Oslo, vous êtes un peu loin. Alors imaginez des adolescents, début des années 90, vivant dans un petit village du nord de la Norvège, vous êtes au bout du monde. C'est pas qu'on puisse dire, oui. Quelles sont les répercussions en France de cette culture-là, à cette époque-là ? Alors justement, en France, on a vu apparaître, c'est un des premiers pays où on a vu apparaître des groupes de black metal en dehors de la Norvège et de la Suède, avec toute une série de groupes qui se sont appelés après les Légions Noires, qui ont essayé d'appliquer un peu les notions du Black Circle en Norvège, dont on a parlé, et notamment qui ont été, avec déjà cet esprit de rébellion qui à l'époque parlait beaucoup, un peu à cette frange un peu franchouillarde qui a besoin de pas être dans les rangs, et tout de suite il y a toute une série de groupes qui, à ce moment-là, sont arrivés, Vlad Tepes, Mutilation, dont on a entendu chanteur dans la story, ce genre de groupe-là, qui, à ce moment-là, finalement, sont restés dans un réseau très underground, avec des enregistrements très crus qui n'étaient distribués qu'entre initiés, mais dont la légende a grandi des années après. Et les Légions Noires, c'est même devenu un peu synonyme d'un style de black metal à la française. Alors, provoquer, faire peur ou créer des fausses peurs, ça interpelle un peu aussi notre esprit d'enfant. Hein. On aime bien, comme ça, retrouver une espèce de fiction, de décor. Bon, jusque-là. Mais cette explosion de violence et tous ces drames, c'était prévisible ou pas ? Il faut un élément qui, pour moi, est essentiel, c'est qu'il faut se souvenir que il faut se souvenir l'âge de tous ces gens-là. Ils sont jeunes, c'est pour ça que je parlais d'enfants. Là, ils ont 20 ans. Vikernes a 20 ans au moment où il est en procès. 19 ans au moment du meurtre. Faust, le batteur de Emperor, lui aussi responsable de meurtre, a 18 ans. Donc ce sont des gens... Et moi, quand vous allez une nouvelle fois à Oslo, vous allez en Norvège, il y a cette impression de... Je sais pas ce qu'à dire, c'est l'ennui d'enfants riches, mais ce sont des gens venant d'un milieu plus ou moins éduqué et qui se sont laissés embobiner dans une espèce de il y avait ce besoin de, comme une espèce de jeu d'enfant, de toi t'es pas cap. Toi, je vais te montrer un peu que t'es pas capable de sauter d'aussi haut, t'es pas capable de faire ça. Oui, il y avait cette espèce, ça renvoie un peu à l'enfance. Et comme il y avait toute cette musique qui était basée sur cette imagerie très très forte, et cette déception entre guillemets de la part de certaines personnes qui voyaient certains des groupes de l'autre mouvement, le death metal, où certains des membres se la jouaient satanique, très méchant, et en vrai, dès que les lumières étaient éteintes, étaient des types comme vous et moi, ça a déçu beaucoup de ces gens-là qui s'attendaient à voir des véritables démons, et donc il y avait cette espèce d'appel à l'exagération, il y avait un côté défi. Et tous ces groupes-là auraient-ils eu, alors c'est un peu fictif hein, comme question, mais on peut essayer d'imaginer, auraient-ils eu le statut légendaire qu'ils ont désormais sans ces événements violents et dramatiques ? Ça, c'est très difficile de répondre à cette question, car les deux sont désormais indissociables. La musique est difficilement dissociable aujourd'hui de la légende. C'est un éternel débat. Est-ce qu'on peut faire la part des choses entre, par exemple, Varg Vikernes, pour ce qu'il représente, ce qu'il est, et Burzum ? Ça, c'est le. Mais sur le plan strictement musical, oui, Mayhem, Burzum, Emperor, Darkthrone, dont on n'a pas parlé, ou ce genre de groupe, qui étaient là au tout début, oui, sont essentiels, ont su créer à eux tout seuls un mouvement qui, 30 ans après, a encore des répercussions, a encore... Il y a des groupes de black metal dans le monde entier. Et tous ces groupes-là, l'écrasante majorité de ces groupes, se réfèrent à cette poignée de groupes en Norvège, en Suède et en Finlande aussi, mais beaucoup en Norvège, qui ont créé à la base avec rien du tout, avec trois bouts de ficelle, parfois avec des simples enregistrements, un album, deux albums à tout casser. On crée une sorte de légende. Il y a un vrai... Ce sont des disques qui restent encore aujourd'hui révérés pour de bonnes raisons, oui. Y a-t-il une équivalence dans d'autres genres musicaux, une équivalence dans le récit ? Dans le récit, l'un des, je pense peut-être l'un des parallèles les plus évidents qu'on peut faire, est la rivalité qu'on a retrouvée dans le gangsta rap, par exemple. Pardon. Dans le gangsta rap, oui, entre Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Ah, d'accord. Ok. Qui eux, dont d'ailleurs les deux sont morts au bout de ça. Il y avait cette espèce aussi de culture. Bravage, culture du défi, culture de « ouais, toi t'es pas cap, non, c'est moi le plus dur, non, c'est moi le roi de la West Coast, non, c'est moi le roi de la West Coast », et qui a débouché, là aussi, dans la violence et dans la mort. Donc ça, c'est quelque chose, même d'une certaine manière, avec pas du tout le même degré de violence, mais la rivalité, ça a toujours fait les choux gras de la presse. On revient toujours aux Beatles. La rivalité présumée entre les Rolling Stones et les Beatles, qui a été créée de toutes pièces, bien sûr, à l'époque par faux. Un manager... Totalement fausse, même un autre niveau, Oasis, Blur, tout ça, ça fait partie de rock'n'roll, ça fait parler et ça crée cette mystique. Et en plus, ça régale la presse et donc les fans. Alors on l'a vu, même s'il s'en défend, Varg. On dit bien Varg alors pour le coup. Alors oui, son nom initial c'est Christian, mais il a légalement changé son nom en Varg, qui veut dire loup en norvégien. Désolé, j'ai fait que 2 ans en norvégien à l'école. Vikernes, ou Vikernes, est devenu une personnalité très politique avec un discours identitaire très marqué à droite. C'était le cas au moment des faits ou c'était étouffé ? Non, c'était pas tellement étouffé, je dirais que c'était même pas vraiment affirmé. Je le rappelle une nouvelle fois, Vikernes avait 18, 19, 20 ans au moment des faits. Et donc, il n'avait pas de pensée politique clairement affirmée, peut-être des penchants, mais qui ne s'affichait pas du tout dans la musique de Burzum. C'est ça toute la différence avec certains groupes qui, hélas, sont ouvertement néo-nazis, et ça se voit tout de suite dans leur choix iconographique, dans leurs paroles. À aucun moment dans les albums de Burzum, il y a des appels au meurtre, à l'antisémitisme, des références au nazisme, absolument pas du tout. Il y a un appel... un retour à une Norvège un peu fantasmée, moyenâgeuse, faire qu'un avec la nature. Et lui, dès le début, plutôt que parler de Satan, est parti vers l'odinisme, référence à la culture viking. Ouais, et Odin, avec le temps... Thor et Odon, les dieux scandinaves. Tout viking. Cela. Et a priori, on pourrait dire que... on peut dire que Varg s'est sûrement un peu radicalisé en prison. Il a été emprisonné à Trondheim, en prison de haute sécurité. Donc pendant des années, il était seul dans sa cellule. Trondheim, c'est la troisième ville de Norvège. C'est tout en haut, sur la côte ouest. Donc vous êtes vraiment... l'hiver, vous avez 4-5 heures de jour, pas plus, de lumière. Et pendant des années, Varg était seul, confronté à ses propres démons et à sa légende qui naissait, qui s'agrandissait en son absence. Et je pense que c'est à ce moment-là que sa pensée s'est radicalisée. Est-ce que l'affaire Breivik a eu une quelconque influence ? Donc meurtre de masse, qui avait frappé tout le monde. Influence sur Varg Vikernes ? Oui, sur ces groupes-là, non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas eu, parce que là, on touche à... Là, pour le coup, notamment avec les contacts que j'ai au sein de la scène black metal norvégienne, même là, on parle de 77 morts, oui. Tuerie de masse. Les jeunes, essentiellement, ça a tellement marqué... C'était le 11 septembre pour la société norvégienne. Ouais. Ça a tellement marqué tout le monde que, non, au contraire, là, ça dépasse le simple cadre. Autant les incendies d'église à l'époque, oui, un certain nombre ont dit « bien fait ». Autant Breivik, non. D'accord, c'est clair. Dernière question, le black metal est-il en voie de gentrification aujourd'hui ? De boboïsation, de tout ce que vous voulez ? C'est une bonne question, parce que justement, encore récemment, le groupe Mayhem a été en quelque sorte couronné, célébré par une sorte de victoire de la musique locale à la télévision norvégienne. Les endroits comme le sous-sol du magasin Helvete se visitent. Maintenant, il existe un tour guide. Vous pouvez prendre un bus et vous faites le tour à Oslo des lieux emblématiques de la scène black metal. Et surtout, le black metal, les autorités norvégiennes l'ont avoué à demi-mot, bien tardivement, qu'en fait, le black metal avait paradoxalement mieux beaucoup plus contribué au tourisme en Norvège que des années de communication, parce qu'avec toutes ces pochettes de black metal, avec des belles photos de fjords, de forêts enneigées, ça a donné envie à plein de gens de visiter la Norvège, d'en découvrir la culture, d'en apprendre la langue. Et donc, il y a cette le black metal est désormais dans cette espèce de zone un peu grise, à la fois respectée, célébrée en Norvège, se retrouvant dans les charts, notamment beaucoup en Scandinavie, et en même temps se cherchant peut-être à ayant peur de perdre cette aura de dangerosité. Alors quoi, il y a une dernière question, souvent il y en a une autre après. Bah voilà. Est-ce qu'il y a une ville parmi Oslo, Bergen et Trondheim qui est un peu la capitale du black metal ? On considère que en termes, alors c'est très subjectif. Moi personnellement, je préfère Bergen, qui est une très jolie ville, beaucoup plus petite provinciale, mmh. avec moins de groupes, mais qui ont tous une identité assez incroyable, comme Gorgoroth, Enslaved, Tack ou ce genre de groupes. Mais Oslo reste la capitale du black metal. C'est là d'où viennent les groupes principaux. C'est là où chaque année vous avez un festival qui s'appelle le Festival Inferno où jouent beaucoup de groupes de black metal norvégiens. Donc ça reste encore aujourd'hui l'épicentre. Merci infiniment. Merci pour ces numéros autour du black metal, Olivier Badin, et pour votre connaissance de la chose. C'était Affaires Sensibles, donc aujourd'hui l'univers du black metal. À la technique, il y avait Laurent Baudouin.